Troisième temps de notre série dans la fabrique de l'histoire sur la jeune recherche, la relève des savoirs. Ce matin, trois thèses en histoire des femmes et du genre. Après avoir exploré hier les relations entre l'État central et les communautés locales, que ce soit en métropole, sous la Révolution française ou encore dans les colonies, nous allons ce matin donner la parole à trois chercheuses et chercheurs en histoire des femmes et du genre avec Saliane Silla. Il est docteur en études américaines à Nanterre, sous la direction de Pierre Guirlin. Il a fait une thèse sur le droit de vote des femmes et des noirs dans les États-Unis entre 1860 et 1920. Il nous en parlera tout de suite. Camille Fauroux est également avec nous. Elle est docteur en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales. Sa thèse, soutenue il y a 2 ans, portait sur les travailleuses civiles françaises en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Ilana Eloi est également avec nous. Elle est docteur en études de genre, une thèse soutenue à la London School of Economics sur la place du mouvement lesbien dans le mouvement féministe français et le MLF en particulier dans les années 70 et au début des années 1980. Morceau de Louis Armstrong datant de 1923, des pleurs de joie ou des pleurs de tristesse, on ne sait pas très bien, selon que l'on se situe dans les États-Unis et qu'on est noir américain, noir américaine ou qu'on est américaine donc femme, puisque en 1923, on est 3 ans après un amendement très important. Bonjour Saliane Silla. Bonjour. Sur le droit de vote des femmes, un amendement qui permet donc le droit de vote à partir de 1920, un long combat qui remonte bien plus loin, au milieu du 19e siècle, on va en parler avec vous, mais pendant ce temps-là, effectivement, si on est une femme noire américaine, eh bien, c'est très difficile d'exercer ce droit de vote, comme d'ailleurs si on est un noir américain, bien que ce droit de vote ait été accordé beaucoup plus tôt aux noirs américains qu'aux femmes américaines. Donc c'est ce combat que vous racontez dans votre thèse, que vous avez soutenue donc à l'université de Nanterre, Saliane Silla, une thèse où vous mélangez les deux combats, pourrait-on dire, vous les faites se côtoyer en permanence parce qu'ils étaient liés, quelquefois déliés, mais liés dans les États-Unis de la deuxième moitié du 19e siècle, Saliane Silla. Oui, effectivement, le combat des femmes pour atteindre la citoyenneté, qu'on appelle le combat féministe, celui des Noirs pour acquérir le droit de vote, notamment aux États-Unis au 19e siècle, sont liés dès le départ, parce que nous savons que les femmes militantes, les premières femmes militantes américaines ont d'abord milité au sein du mouvement abolitionniste, et que ces mêmes femmes, quand il s'agit de se battre pour la fin de l'esclavage, ont agi au nom de l'aspiration à la liberté et à l'égalité, que ces mêmes femmes qui ont été actives dans ce mouvement abolitionniste qui est né au tournant des années 30, ce sont 1830. Comme vous êtes beaucoup sur le 19e siècle, oui, il faut préciser pour 1830, exactement. Donc ces mêmes femmes se sont impliquées donc dans ce combat pour la fin de l'esclavage et se sont rendues dans les années 1840 à la grande convention internationale pour l'abolition de l'esclavage qui s'est tenue à Londres dans les années 1840, ont été au sein de ce mouvement ostracisées elles-mêmes parce qu'on ne leur permettait pas d'avoir une parole publique. Oui, et c'est une des grandes questions justement de savoir à qui on donne le droit de vote et votre thèse donc que vous avez soutenue il y a un peu plus d'un an maintenant, ou il y a un an, Salyane Sylla, se pose la question justement de savoir pourquoi il est si difficile de donner le droit de vote et à qui doit-on donner le droit de vote. Vous dites les deux questions que pose votre thèse, c'est qui peut ou qui doit voter et pourquoi peut-il, peut-elle doit-il, doit-elle voter? Ce sont les deux questions qui sont au cœur de votre travail de thèse. Exactement. Et c'est aussi ces questions-là qui sont mises en parallèle avec la question de est-ce que en acquérant le vote, le droit de vote, finalement, les gens qui se sont battus pour l'obtention de ce droit l'ont fait au nom de l'égalité et de l'universalisme d'un droit. Mmh. Donc là, j'interroge ces questions-là à travers ces doubles perspectives comme vous avez citées, à la fois le combat des Noirs, le combat des Noirs et le combat des femmes. Mais attention, il faut distinguer deux choses. C'est que le combat des Noirs, c'était pas le combat de tous les Noirs. Mm-hmm. Le combat des femmes, c'était pas le combat de toutes les femmes aux États-Unis. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agissait effectivement d'un mouvement qui est né, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir des années 1840. On situe à partir des années 1840, mais il y a eu bien avant, même pendant la période coloniale aux États-Unis, des femmes qui ont pris la parole pour revendiquer un certain nombre de droits. Donc 1848, on s'y situe en 1848 le début du combat, de la revendication du droit de vote aux États-Unis. Même si cette date est contestée historiquement par certains historiens, alors donc 1848, c'est une convention locale, très locale, à Seneca Falls aux États-Unis, à New York, où des femmes se sont réunies pour la première fois, ont revendiqué un certain nombre de choses et ont demandé parmi la plateforme, parmi les points de la plateforme qu'elles ont mis en avant, il y avait le droit de vote qui a été la seule question qui avait suscité l'opposition d'une partie de l'Assemblée ce jour-là. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que vous expliquez bien qu'effectivement, cette question du droit de vote, qui est essentielle, participe à bien d'autres revendications, que ça soit d'ailleurs pour les Noirs ou pour les femmes aux États-Unis, mais qu'au bout du compte, par exemple pour les femmes, si on va à la fin de votre période, c'est-à-dire en 1920, oui, cette question leur sera accordée, ce problème sera résolu, on leur accorde le droit de vote, mais d'une certaine façon, on leur accorde le droit de vote pour ne pas leur accorder d'autres droits en même temps. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a, dans la masse des combats qui sont menés par les féministes américaines, bien d'autres combats, mais celui-ci sera gagné, mais il occultera d'une certaine façon d'autres combats qu'elles voulaient voir advenir, qui étaient des combats pour des égalités, qui étaient des combats contre le cléricalisme, pour la justice qui devrait être plus impartiale, des revendications pour l'amour libre, par exemple, pour certaines d'entre elles. Et bien tout cela, ça leur sera interdit au profit simplement de l'acquisition du droit de vote. Tout à fait. Au nom d'une certaine forme de pragmatisme, le mouvement féministe qui avait deux têtes, c'était deux factions rivales qui ont commencé à s'opposer déjà à partir des années 1869. Alors l'AWSA et le NWSA qui vont finir par s'unir à la fin du siècle en 1890. Une seule fédération, pourrait-on dire, qui s'appelle exactement. Donc, la NAWSA. Voilà, c'est ça. Donc les deux mouvements, les deux factions rivales qui ont revendiqué le droit de vote aux États-Unis, ce sont deux mouvements féministes, enfin même si je n'utilise pas beaucoup ce mot dans mon texte, ces deux mouvements donc se sont séparés sur la base. Donc la question du droit de vote des Noirs est centrale dans le féminisme américain parce que les deux mouvements, le mouvement a éclaté en 1869 à la faveur de la question du 15e amendement qui attribue le droit de vote aux hommes noirs, je précise, aux hommes noirs. Donc alors cette question-là a divisé le mouvement naissant. Il est naissant parce que c'est après la guerre de sécession que le mouvement féministe s'est retrouvé, parce que pendant la guerre de sécession, les femmes ont mis entre parenthèses leurs revendications pour se battre pour la fin de l'esclavage. Donc à la fin de la guerre de sécession, ce mouvement a repris, mais tout de suite il a été convenu de mettre en place une organisation commune à la fois pour les Noirs et les femmes, c'est-à-dire American Equal Rights Association. Oui, l'AERA, en l'occurrence. Voilà. Donc, cette association qui avait pour but de se battre pour à la fois le droit de vote des Noirs et des femmes a éclaté très tôt parce qu'il y a eu des divergences, parce que certains voulaient que la priorité soit accordée aux Noirs parce qu'ils étaient les mieux placés à l'époque sur le plan politique, sur le plan des institutions. Les gens étaient là, de l'opinion aussi, les gens étaient mieux préparés à accepter le vote des Noirs et que c'était une urgence parce qu'on avait déjà le phénomène du Ku Klux Klan qui avait pareil. Vu naissance dans certains États. Oui, vous expliquez bien que la question, dites-vous, des années 1860, c'est what shall we do with Negro? Donc, c'est qu'est-ce que nous allons faire de ces Noirs? Que d'ailleurs, une question que se pose lui-même le président Lincoln, qui, vous n'oubliez pas, imagine même des scénarios de déportation des Noirs hors des États-Unis une fois que la guerre de sécession aura été gagnée par le Nord, en l'occurrence. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces Noirs? Quel droit va-t-on leur accorder? Et c'est une question tellement débattus, effectivement, qu'ils ont d'une certaine façon un avantage sur la question du vote par rapport aux femmes qui militent pourtant pour eux et en même temps qu'eux. Et ça va être un moment de difficile, de tension et même de dissension entre les deux mouvements, dites-vous, Saliane Sina. Oui, exactement, parce que en fait, dans cette période-là, on est encore dans les années 1860, à la fin des années 1860, la question centrale aux États-Unis, c'était de savoir s'il fallait accorder le droit de vote. C'était acquis parce qu'on avait un mouvement au sein du Parti républicain, il y avait une aile très à gauche, qu'on dirait à gauche aujourd'hui, très progressiste en tout cas. Parce qu'il faut, pour nos auditeurs, rappeler que le mouvement républicain était à l'époque plus en pointe sur cette question des droits progressistes et, et que le mouvement démocrate était en retrait. Et qu'il y avait même des participants, des gens qui voulaient avoir le ticket à la présidentielle, je crois que c'est en 1868, avaient dit c'est un pays d'hommes blancs, laissez les hommes blancs gouverner. Ils étaient démocrates. Oui, c'était assumé, le Parti démocrate était un parti conservateur, un parti même qui était lié au Ku Klux Klan à un certain moment, pendant longtemps d'ailleurs. Et le Parti républicain a été pendant cette période le parti progressiste et qui s'est battu notamment avec son aile radicale, ce qu'on appelait à l'époque les républicains radicaux. Ce sont eux qui étaient majoritaires à la sortie de la guerre de sécession. Ils ont réussi à avoir la majorité au Congrès et qui ont impulsé cette dynamique beaucoup et très progressiste qui avait mis en avant comme priorité le fait de faire en sorte que les Noirs puissent acquérir à la fois la nationalité, la citoyenneté et puis le droit de vote. Donc cette question-là a divisé le mouvement féministe et c'est à ce moment-là que le mouvement a été divisé en deux blocs. C'est-à-dire Alliance qui voulait les droits pour les Noirs et pour les femmes a éclaté, cette AERA, et s'est transformée en deux factions une partie d'entre elles s'appelait, il y avait une faction qui s'appelait le Naoussa et l'autre qui s'appelait Laoussa. Exactement, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que les questions qui préoccupaient le mouvement féministe étaient de deux genres en fait. Il y a une partie de l'association, c'est-à-dire l'aile de Elizabeth Cady Stanton et de Anthony, qui voulait que le mouvement se préoccupe d'autres questions que du simple droit de vote et qui embrassait beaucoup d'autres questions comme la question de la propriété, la question de l'égalité, d'autres questions qui n'étaient pas éloignées de la question du statut des femmes. L'autre partie, c'est-à-dire l'autre aile la faction rivale dirigée à l'époque par Lucy Stone, elle se préoccupait plutôt avait pour unique revendication le droit de vote. Cette association se disait donc en mettant beaucoup de choses qui étaient plutôt sujets à polémique, on affaiblissait la question centrale pour laquelle les femmes se mobilisaient à l'époque, qui était pour elles le droit de vote. Oui, et on voit bien effectivement combien des mouvements d'émancipation sont tiraillés à l'intérieur de ce mouvement par des visions contradictoires de ce qu'il faut faire pour la stratégie et faire aboutir leur propre mouvement. Alors évidemment, il y a des ruses de l'histoire, et la pire des ruses évidemment, c'est d'accorder le droit de vote aux Noirs pour immédiatement après leur retirer, puisque c'est ce qui va se passer. Il faudra attendre 1965 et Lyndon Johnson pour pouvoir avoir un véritable droit de vote unique et sur le territoire américain pour tous les citoyens américains. Donc il faut attendre presque un siècle après justement ces victoires de la fin de la guerre de sécession. Et vous expliquez bien dans votre travail de thèse, Saliane Sina, combien les barrières très nombreuses se mettent en place à partir de la fin des années 1870-80 pour pouvoir justement empêcher, en particulier dans les États du Sud, mais pas simplement dans les États du Sud, les Noirs de pratiquer leur droit de vote. Et puis vous dites, tout compte fait, il y a encore plus invisible que le droit de vote des Noirs et le droit de vote des femmes, c'est le droit de vote des femmes noires. Qui sont encore plus invisibles que toutes les autres, dites-vous, Saliane Sylla. Les femmes noires sont une sorte d'angle mort de la revendication du vote, parce que en tant que femme noire, en tant que noire d'abord, quand les hommes noirs ont obtenu le droit de vote en 1870, elles étaient exclues parce que femmes. Quand les femmes blanches, la majorité blanche qui se battait pour le droit de vote, quand ces femmes blanches l'ont obtenu en 1920, elles étaient exclues parce que noires, dans le sud. Par contre, les femmes noires du Nord votaient. Alors, donc, ce qui fait que c'est ce qui donne cette dimension intersectionnelle. Vous avez introduit le mot tout à l'heure. Cette dimension intersectionnelle. Intersectionnelle, il faut expliquer pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme. C'est le mélange, d'une certaine façon, la fusion de plusieurs luttes d'émancipation contre des dominations. Alors, ça peut être des luttes qui sont liées au genre, qui sont liées à la race, qui sont liées à la classe également. Exactement. Alors cette dimension-là est importante parce que quand on regarde, je disais tout à l'heure au début de mon propos que la lutte ne concernait pas toutes les femmes. Alors il s'agit de la haute bourgeoisie qui se battait pour le droit de vote. Alors à l'époque où le mouvement a démarré, on va dire au sortir de la guerre de sécession, cette question n'était pas centrale pour toutes les femmes. Les femmes ouvrières n'étaient pas concernées, les femmes travailleuses n'étaient pas concernées, les femmes noires n'étaient pas concernées. Donc c'était une lutte qui était essentiellement une revendication issue des classes dominantes de la bourgeoisie. Et vous dites d'ailleurs que à l'intérieur de ces classes dominantes, il y avait aussi des femmes qui se battaient contre le droit de vote des femmes. Exactement. Donc, ça, il faut pas l'oublier non plus. La lutte pour le droit de vote a été menée par les femmes appartenant à la haute bourgeoisie américaine, mais aussi la lutte contre le droit de vote qui a pendant longtemps dominé aussi, qui a longtemps dominé les débats aux États-Unis, a été menée par la haute bourgeoisie. C'est dire en fait en quelque sorte que la revendication du vote comme le refus de la revendication du vote était une question qui préoccupait essentiellement, les classes dominantes. Donc, cela dit, ce qui s'est passé au tournant du XXe siècle, il y a eu un changement quand même, parce que à partir du début du XXe siècle, il y a eu un phénomène beaucoup plus de massification du mouvement féministe, parce que il y a eu certes la naissance aussi d'une presse diversifiée que les femmes, dont les femmes se sont emparées, et puis il y a le phénomène aussi de la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui relations publiques, c'est-à-dire l'utilisation des médias à des fins de propagande, etc., qui a permis au mouvement de femmes de se massifier et de se rapprocher plus ou moins des classes laborieuses, ce qui a donné encore plus d'élan au mouvement et qui a apporté un regain d'attention de la part des autorités, qui a forcé les autorités à regarder le mouvement d'une certaine façon et de se rallier petit à petit à la cause, ce qui a amené dans les années 1920 au vote du 19e amendement. Merci beaucoup Saliane Sylla de nous avoir expliqué justement ce chemin complexe pour pouvoir acquérir le droit de vote pour les femmes et pour les noirs aux États-Unis entre 1860 et 1920. Je pose la question rituellement à tous les invités de cette série. Vous escomptez de publier votre thèse, on pourra la lire, ou en article au moins dans des revues savantes, en attendant qu'elle soit peut-être un jour publiée, justement, Saliane Sylla? Elle est en voie de publication parce que c'est prévu pour l'été 2019, en automne 2019, aux presses universitaires du Septentrion, à Lille. Eh bien, on aura beaucoup de plaisir à la lire. J'ai eu la chance de la lire en avant-première grâce à vous. Eh bien, nos auditeurs pourront attendre l'année prochaine pour la lire. Merci beaucoup, Saliane Sylla. Merci. Dis-moi ce qu'il faut faire pour t'aimer. Mon cœur ne sait pas s'exprimer. Dis-moi si je dois vivre sans espoir ou si je dois encore si tu crois en mon amour, dis-moi le seul mot qui me rendra la foi. J'ai tant besoin de tendresse, de tes caresses. Tout me serait indifférent sans toi. Laisse-moi. était si grisante. Et dans cette nuit troublante, inlassablement mon amour chante. Au rythme si doux et si berceur. Rose Avril, laissez-moi croire au bonheur, un titre de 1943, car la deuxième invitée de cette émission de ce jour s'appelle Camille Fourroux. Bonjour Camille Fourroux. Bonjour. Et vous avez consacré votre thèse il y a 2 ans maintenant aux travailleuses civiles de France en Allemagne nationale socialiste entre 1940 et 1945. Donc elle était dirigée sous la direction de Laura Lee Downs, donc, et c'est une thèse où curieusement, quand on lit un intitulé de thèse comme ça, on s'attend pas à trouver au milieu de la thèse un si grand passage consacré à la question de l'amour dont parlait justement Rose Avril en 1943, parce que effectivement c'est une question essentielle justement que de se retrouver isolée, travailleuse civile théoriquement volontaire pour partir en Allemagne, donc isolée dans un pays que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la langue souvent, et pendant de très longues années, puisque vous expliquez qu'au départ ce sont des contrats de 6 mois, d'un an, qui emmènent des travailleuses travailler dans les usines allemandes et en particulier les usines de Berlin d'électrotechnique, mais que eh bien ces contrats sont prolongés et parfois prolongés indéfiniment jusqu'à la fin de la guerre, disent les Allemands en l'occurrence. Oui, c'est pour ça que j'utilise pas le terme de volontaire qui a été utilisé pendant très longtemps, à la fois qui est utilisé par l'administration française et à la fois par l'historiographie très souvent, parce que en réalité, quand on prend à la fois les archives françaises et allemandes, le versant français et allemand de leur histoire, hein, quand on s'intéresse au départ, mais aussi au séjour là-bas, on voit que bien que qu'elles soient effectivement recrutées sur une base volontaire, une fois qu'elles sont là-bas, en fait, elles sont prises dans un système beaucoup plus large qui est le système du travail forcé des étrangers dans l'Allemagne nazie. Oui, et elles sont 80 000, dites-vous, entre 1940 et 1945 à s'être rendues en Allemagne et à avoir beaucoup de difficultés à revenir. Alors il y a la permission qui est autorisée, paraît-il, 6 mois tous les 6 mois si on est marié. Exactement. Cette permission pour les célibataires, c'est tous les ans en l'occurrence. Mais malgré cette permission, eh bien, il n'est pas si facile de la faire appliquer par les Allemands. On est dans des camps, puisque ce sont des camps, des campements. Alors, ce ne sont pas des camps de concentration ou d'extermination, ce sont des camps de travail, pourrait-on dire, séparés du lieu de travail, mais souvent dirigés par les dirigeants des entreprises en question, puisque Siemens, AEG, Telefunken ou Osram, qui sont les 4 entreprises sur lesquelles vous avez travaillé à Berlin, eh bien, sont des entreprises qui logent les travailleurs dans des baraquements qui leur appartiennent. Exactement. Et quand on regarde en fait les archives de ces camps, on s'aperçoit que ce dispositif est très important pour contrôler la main-d'œuvre. C'est pas du tout simplement une solution d'hébergement, mais c'est vraiment une façon de contrôler la main-d'œuvre. Et j'ai trouvé des archives déjà de 1941 d'ouvrières d'AEG qui ont signé pour par exemple pour 6 mois ou pour 1 an et qui un jour n'ont pas envie d'aller au travail et elles pensent que c'est possible peut-être de pas aller au travail un jour, mais en fait elles vont être tirées hors du lit par la d'abord par le responsable du camp et ensuite amenées à la Gestapo. Donc on voit qu'on a des formes de contraintes vraiment assez fortes qui s'exercent sur ces femmes une fois qu'elles sont sur le territoire allemand. Alors effectivement elles tentent parfois de se faire porter pâle, mais vous le dites la Gestapo peut venir leur faire des remontrances, les emmener à la Gestapo, subir des coups, des tortures parfois, et ensuite les relâcher pour qu'elles reviennent à leur poste de travail. Mais on voit bien qu'il y a des statuts qui sont des statuts proches du travail forcé, même si théoriquement ces femmes sont volontaires, mais elles travaillent dans des lieux où il y a des travailleuses forcées. Exactement. En fait, il faut s'imaginer que l'Allemagne nazie, c'est de façon paradoxale, c'est un lieu très cosmopolite. On va avoir dans toute l'Allemagne nazie environ 20% de travailleurs étrangers. 20% de la main-d'œuvre sont des travailleurs étrangers. Et ce sont aussi bien des Russes, des Polonais, des prisonniers de guerre français, des travailleurs STO français, des femmes belges, voilà. Et les femmes françaises, qui sont une petite minorité, elles sont vraiment dans ce grand système, puisque l'Allemagne nazie fait le choix, plutôt que de s'appuyer massivement sur le travail des femmes allemandes, allemande, comme elle l'avait fait par exemple en 14-18, elle choisit plutôt de s'appuyer sur le travail des étrangers, hommes et femmes. Alors, ces étrangers ou ces étrangères, en l'occurrence, puisque vous travaillez sur ces travailleuses civiles de France en Allemagne, sont, vous l'avez dit, surveillées, mais elles touchent un salaire, alors qui est évidemment un salaire qui peut paraître beaucoup pour les Françaises en France, mais qui est un salaire qui ne leur permet pas de vivre tout à fait décemment dans le Berlin de la guerre, évidemment avec des prix qui se sont envolés à cause de ce conflit, à cause de cette guerre. Et elles peuvent sortir de ces camps pour, elles ont des autorisations de prendre les transports, etc. Tout cela, c'est possible pour elles, mais d'une certaine façon, elles sont toujours surveillées, en particulier quand elles sont dans ces camps, qui est l'espace de nuit, pourrait-on dire, de leur vie. Elles ont une surveillance très, très resserrée sur elle-même. Exactement. En fait, il faut se dire que dans l'Allemagne nazie, la hiérarchie raciale joue un rôle très important dans le traitement des étrangers. Donc, c'est vrai que les femmes polonaises, les femmes russes vont être beaucoup plus contrôlées. Elles vont pouvoir moins sortir du camp. Au contraire, les Français et les Françaises, aussi bien les personnes qui sont parties dans le cadre du STO que les personnes qui sont parties volontairement, peuvent, en dehors du travail, se promener dans la ville. Et elles vont en fait, les femmes françaises vont en fait faire usage de la ville comme d'une ressource pour desserrer cette contrainte du travail. On voit ça très bien. Alors effectivement, on contrôle non seulement leur jour, mais leur nuit. Elles doivent tous les soirs rentrer dormir au camp. Alors ça, la raison pour laquelle on essaie de contrôler leur nuit, il faut préciser que c'est pas seulement comme force de travail, mais aussi parce qu'il y a derrière un contrôle de leur corps comme corps politiquement, potentiellement reproducteur. Il y a aussi en même temps à travers ces camps, et là on le voit quand on étudie les femmes, alors que souvent quand on étudie les hommes, on va avoir plus de mal à le saisir, on va avoir un contrôle de leur corps en tant qu'ils pourraient... Alors les Allemands utilisent le terme de colonisation intérieure, le risque d'une colonisation intérieure. Avoir autant d'étrangers sur le sol allemand, pour eux, c'est une menace. Oui, et cette menace, c'est par exemple que ces femmes aillent avec des Allemands et des enfants avec des Allemands, et donc dans la pureté raciale réclamée par le nazisme, évidemment, troublent les plans voulus par le Troisième Reich. Exactement. Et de façon plus surprenante encore, ça les dérangerait aussi qu'elles aient des relations avec des hommes français et qu'elles puissent fonder des familles françaises sur le sol allemand. C'est pour ça que ces camps sont en général non mixtes et on retrouve des traces dans les sources policières de femmes qui ont été arrêtées pour avoir dormi dans le camp des hommes, d'hommes qui ont été arrêtés pour avoir dormi dans le camp des femmes. Donc voilà, il y a toute une gestion à travers ces camps aussi de la sexualité et plus largement des relations familiales. Et je disais effectivement que il y a donc une large place que vous faites dans votre thèse, Camille Fauroux, à cette question de l'amour, parce qu'effectivement, il y a ces camps féminins donnent lieu aussi à des expériences homosexuelles, dont vous avez trouvé la trace dans les archives, parce qu'effectivement, ces corps sont surveillés, dites-vous, et effectivement, ces expériences homosexuelles sont tout aussi condamnées que les relations hétérosexuelles qu'il pourrait y avoir entre ces femmes et des hommes français, par exemple. Oui, j'ai eu la chance de trouver deux cas de femmes qui ont été arrêtées pour avoir eu des relations homosexuelles dans un camp de AEG à Berlin. Et c'était intéressant parce qu'il y a un débat assez large sur la persécution des lesbiennes dans l'Allemagne nazie. On se demande si on doit penser que la persécution est limitée aux homosexuels hommes, pour lequel il y a un paragraphe spécifique, ou bien s'il y avait une persécution plus large. Et donc ça apporte un petit peu de l'eau au moulin, puisqu'on voit que effectivement elles sont arrêtées. Elles peuvent pas être condamnées, elles peuvent pas être jugées parce que effectivement on n'a pas de texte de loi qui le permettrait, mais on les intimide clairement et on leur dit qu'elles ne doivent pas recommencer. Et alors, il y a ces questions d'homosexualité, ces questions aussi de prostitution, puisque vous insistez aussi sur cette question-là. Il y a des maisons closes qui sont ouvertes par les nazis, avec la volonté de soutien des nazis, parce qu'il faut justement que ces questions sexuelles soient réglées dans un cadre racial. Donc, on va ouvrir des maisons closes par nationalité, pourrait-on dire. Expliquez-vous, dans le Berlin de l'époque, ce que je ne connaissais pas. Il y a aussi la prostitution occasionnelle à laquelle se livrent justement ces ouvrières françaises à Berlin parce que, évidemment, le salaire qu'on leur verse ne correspond pas aux besoins qu'elles ont sur place et donc elles vont progressivement entrer dans la prostitution, une prostitution occasionnelle le soir justement avant de rentrer au camp. Oui, c'était important de s'intéresser à cette question de la prostitution parce qu'on peut dire qu'elle est déjà très présente dans la vision qu'on a sur ces femmes à l'époque, puisqu'elles sont en fait, à leur retour en 1945, accusées d'être débauchées, sexuellement débauchées. Donc c'était important de quelque part de pas éviter cette question et de voir comment on pouvait la retravailler, la travailler différemment. Et en fait, on voit effectivement qu'elles utilisent, parmi les ressources de la ville qu'elles tentent d'utiliser pour desserrer la contrainte de l'usine sur leur vie, c'est de s'engager dans des formes de prostitution informelles, on pourrait dire en dehors de en dehors des maisons closes, dans les espaces de la ville qu'elles peuvent investir. Ça peut être des hôtels, ça peut être dans la rue, voilà. Et vous expliquez bien que effectivement, quand on travaille sur un sujet comme le vôtre, à savoir les travailleuses civiles de France dans l'Allemagne nazie, à Berlin en particulier, il faut réfléchir à des espaces géographiques. Vous dites qu'il y a l'espace géographique du camp, l'espace géographique de la ville, et puis il y a la frontière du pays qui sépare la France de l'Allemagne, ou plutôt l'Allemagne où elle se trouve de la France. Et ce sont ces limites qui sont des limites dans leur tête également qui sont extrêmement importantes. Les parts de liberté qu'on peut s'accorder dans la ville, les parts de contraintes évidemment très fortes dans le camp ou dans l'usine, et de l'autre côté, le fait qu'on est enfermé dans un pays qui n'est pas le sien. Exactement. Je pense qu'on peut dire que ces camps, en fait, sont des dispositifs disciplinaires, donc qui sont vraiment basés sur une gestion spatiale des corps. Et donc, cette question va évoluer tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Vous expliquez bien que la situation n'est pas la même au tout début en 1940 qu'en 1942, qu'à partir de 1942, la surveillance devient plus sévère, et que plus on va s'avancer dans la guerre et plus, évidemment, l'avenir du Reich deviendra compromis, et bien plus les contraintes sur ces femmes civiles en France vont être importantes, parce qu'il y aura tout le temps, tout au long de cette présence des Françaises en Allemagne, l'idée qu'il ne faut pas qu'elles repartent et il faut qu'on les maintienne comme puissance de travail dans l'Allemagne, donc en guerre. Justement, à partir de fin 42, les contrats sont reconduits unilatéralement jusqu'à la fin de la guerre. Donc ça, c'est une étape très importante. Et l'autre mesure importante pour les femmes, ça va être dans la gestion de la maternité. Puisque dans une première partie de la guerre, les femmes qui tombent enceintes peuvent doivent rentrer en France. Alors que à partir de cette même époque, on décide que on va plutôt faire accoucher les femmes étrangères sur le territoire de l'Allemagne nazie, et donc on va avoir une gestion de la maternité encore une fois très marquée par les différences, les hiérarchies raciales qui sont organisées par le pouvoir national-socialiste. Et j'ai trouvé des traces de la gestion de la maternité, par exemple dans les archives de Siemens, la gestion de la maternité des Françaises. Par les dirigeants des entreprises elles-mêmes, d'une certaine manière. Exactement, c'est organisé par l'entreprise elle-même, et on voit que les femmes sont de plus en plus séparées de leurs enfants et qu'elles vivent assez mal cette séparation, d'autant plus que les soins donnés aux enfants se dégradent au fur et à mesure que la guerre avance. Alors, ce qui est intéressant, c'est depuis le début de cette semaine, on s'aperçoit qu'il y a des mots qui reviennent, en particulier le terme d'agency, donc qui vient de l'université américaine, qui est traduit en France par agentivité, donc la capacité des acteurs dans un système de contraintes à trouver des marges d'expression propre d'une certaine façon, et d'individualisme. Et en l'occurrence, est-ce que vous trouvez ces marges justement chez ces travailleuses civiles françaises en Allemagne, Camille Fauroux? Oui, évidemment, quand je vous parlais de la façon dont elles utilisent les interstices de la ville comme ressource, c'est vraiment de ça qu'on parle. Et à cet égard, je pense qu'il est important de s'appuyer sur certaines sources. Notamment, j'ai beaucoup utilisé des archives judiciaires et policières, et qui nous redonnent justement les trajectoires individuelles, des petits moments, des petites rencontres, des relations entre différentes personnes, mais vraiment à une échelle d'un ou deux individus. Et ça, c'est très important si on veut retrouver cette agentivité, à la différence de ce qu'on peut voir en utilisant des sources qu'on appellerait par le haut, c'est-à-dire les sources des entreprises ou des États. Et donc il s'agit vraiment d'aller chercher les sources par le bas, justement, oui. De tous ceux, toutes celles qui ont enfreint la loi et qui d'une certaine façon sont tombées sous la coupe soit de la police, soit de la justice, pour pouvoir comprendre leur marge de manœuvre dans ce système qui était un système extrêmement contraint. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces sources vont aussi receler des archives personnelles qui se glissent. Par exemple, j'ai beaucoup utilisé les archives des femmes qui sont condamnées ou jugées pour relations avec un prisonnier de guerre français. Mmh. Parce que ça, on le sait moins, mais il y a des relations interdites entre les travailleuses françaises et les prisonniers de guerre français. Et là, on va trouver parfois une lettre, par exemple, qui a été échangée ou qui a été retrouvée sur la travailleuse au moment où elle a été arrêtée. Donc on a des très très belles sources dans ces archives judiciaires. Merci Camille Fauroux. Votre thèse s'intitule « Les travailleuses civiles de France dans l'Allemagne nationale-socialiste, des femmes dans la production de guerre ». Elle était dirigée par Laura Lidones à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous l'avez soutenue il y a 2 ans, et donc 2 ans, c'est le temps nécessaire pour pouvoir remanier sa thèse et la publier bientôt. Exactement, j'espère la publier le plus rapidement possible. Merci beaucoup à vous, et donc troisième invité de l'émission d'aujourd'hui, Ilana Eloi, pour sa thèse sur le féminisme et en particulier sur la place du militantisme lesbien dans le féminisme des années 70. Autrefois, j'avais l'impression, quand je marchais dans la rue, c'était des regards qui me passaient à travers, tu vois. Je me disais toujours, c'est drôle que Germaine Greer ait écrit son titre « Femme nuque », parce que je me disais, c'est un mot que des femmes, beaucoup de femmes ont dû penser, je me disais toujours, mais elles ne me voient pas, mais elles me prennent pour une nuque, mais j'avais envie, tu sais, j'avais des envies de meurtre par moments qui étaient incroyables, j'avais envie de prendre une femme, de la secouer, de lui dire, mais regarde-moi, mais je suis là, mais je te regarde, et pourquoi tu ne me regardes pas, tu vois. C'était fou, c'était vraiment un monde très désespéré. J'avais toujours envie de faire des choses extraordinaires pour attirer l'attention des femmes, tu vois. Tu en as fait des fantasmes, j'avais des fantasmes sans arrêt, tu sais. C'était très pénible. Et tout d'un coup, ça a cessé, brutalement. Tout d'un coup, il y a eu un petit groupe de femmes et on existait toutes les unes pour les autres, même si on n'était pas d'accord. On se regardait, on se parlait, mais c'était fou, la différence. Même quand on était 8, c'était déjà un monde complètement différent. A woman left alone. Soon grew tired of waiting. She'll do crazy things, yeah, on lonely occasions. A simple conversation with a new man now and again. When a good thing's coming to an end, and when she gets along. Un extrait d'une émission de France Culture de 1973, du 10 novembre 1973. La femme que vous avez entendue s'appelle Monique Wittig. On va en parler tout de suite avec vous. Ilana Eloi, bonjour. Bonjour. Et donc, la musique, c'était Janis Joplin, toujours dans cette émission de 1973, Woman Left Lonely. Vous avez soutenu votre thèse, Ilana Eloi, donc, à la London School of Economics, à Londres, en anglais, une thèse sur la place du mouvement lesbien dans le mouvement de libération des femmes, le MLF des années 70 et du début des années 1980, et Monique Wittig y prend une place centrale dans cette thèse. Voilà, absolument. Donc je me suis intéressée à la politisation du lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes, et notamment à la manière dont Monique Wittig a tenté de politiser tout au long des années 70 cette question du lesbianisme au sein du féminisme. Alors, qui était Monique Wittig? Oui, alors Monique Wittig, donc grande écrivaine, féministe, lesbienne et théoricienne française, qui a cofondé le mouvement de libération des femmes, qui était déjà un écrivain reconnu à cette époque, en 1970, et donc qui a cofondé le mouvement de libération des femmes avec beaucoup d'autres personnes. Donc Monique Wittig, en 1976, quitte la France. Elle part et elle s'installe aux États-Unis. Et puis elle va développer, à partir de ce moment-là, des écrits plus théoriques sur vraiment l'hétérosexualité comme régime de pouvoir. Et elle écrit en 1980 ce fameux texte qui s'appelle « La pensée straight » et un second texte qui s'appelle « On ne naît pas femme ». Dans une revue féministe qu'elle avait cofondée d'ailleurs, je crois. Elle faisait partie du comité éditorial. Donc question féministe, exactement. Et donc dans ces deux articles, elle écrit ces fameuses phrases qui sont les lesbiennes ne sont pas des femmes, puisque ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme, à laquelle les lesbiennes échappent en refusant de devenir ou de rester hétérosexuelles. Et donc moi, je me suis vraiment intéressée à la trajectoire de Monique Wittig. Je me suis demandé pourquoi elle était partie au milieu de la décennie aux États-Unis, quelles avaient été les résistances contre sa politisation du lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes. À ce titre, j'ai consulté les archives privées de Monique Wittig qui sont conservées à l'université de Yale aux États-Unis. Et là, j'ai découvert, en fait, ce que j'ai trouvé assez fascinant, une toute autre histoire, en fait, du mouvement de libération des femmes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, moi, j'avais, voilà, l'histoire que je connaissais, que j'avais lue, c'était l'histoire d'un mouvement. Ben, d'ailleurs, elle le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, hein, c'est cette joie des débuts du mouvement. Un extrait de 73, donc on est au tout début de ce mouvement de libération des femmes. Voilà, et donc de fusion, d'amour des femmes pour les femmes, et de joie, de révolte collective, un discours vraiment positif, et en fait qui rend nostalgique, hein, aujourd'hui, quand on se plonge dans ces archives. On peut ressentir une certaine forme de nostalgie. Et alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai découvert ces archives, donc ces archives privées de Monique Wittig, surtout des lettres qu'elle écrit à la fin de la décennie 70 et au début des années 80, eh bien, elle a un discours tout à fait qui tranche. Radical sur son expérience au sein du mouvement de libération des femmes. Oui, et c'est cette transformation que vous avez questionnée dans votre Absolument. Thèse, puisque vous travaillez, le sous-titre de la thèse s'intitule « Lesbian Trouble », et le sous-titre c'est « Féminisme, hétérosexualité et nation française ». Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, vous vous posez la question de la place de la notion d'universalisme dans le mouvement féminisme, qui serait, selon vous, donc la raison même de l'expulsion ou de l'exfiltration des militantes lesbiennes de ce mouvement féministe qui, au départ, dites-vous, dans Le Torchon Brûle, qui était le premier journal du MLF, eh bien, étaient présentes, elles étaient même très actives, très présentes au tout début du mouvement du MLF, et qui progressivement vont être marginalisées ou se marginaliser elles-mêmes, c'est une des questions que vous posez, Ilana Eloi, jusqu'à disparaître de ce mouvement qui deviendra essentiellement hétérosexuel, dites-vous. Alors voilà, donc je nuance un peu ça, en réalité. En fait, le contraste, il est pas tant entre un mouvement qui aurait été lesbien au départ et qui se serait hétérosexualisé, mais c'est plutôt entre des positions d'identification au sein du mouvement des femmes. Donc, en fait, le mouvement des femmes était un mouvement universaliste, c'est important de le dire. Et donc, c'est en ça que je lis ce mouvement dans le cadre discursif de la nation française et de l'universalisme républicain. Et donc, les femmes, au début du mouvement de libération des femmes, se définissaient uniquement comme femme. Et donc c'était en tant que femme qu'on était féministe, et les différences, la visibilisation des différences étaient considérées comme facteurs de division du mouvement. Et en fait, c'est en ce sens-là que je relis la question lesbienne en la considérant en fait d'un point de vue en tant que différence. Qu'est-ce que ça nous dit de l'universalisme féministe si on conçoit le lesbianisme comme une différence qui a tenté de se visibiliser comme telle au sein du mouvement des femmes? Et de ce point de vue-là, on se rend compte effectivement que les féministes qui s'identifiaient comme femmes, donc lesbiennes ou hétérosexuelles, hein, mais qui en tout cas privilégiaient exclusivement une identification femme dans la lutte féministe, eh bien se sont opposées aux lesbiennes, qui voulaient constituer des groupes de lesbiennes parce que, selon elles divisaient le mouvement, elles souhaitaient faire des différences donc entre les femmes. Et donc, en fait, voilà, donc c'est toute cette question de l'universalisme et de la différence. Et vous allez assez loin dans cette critique, justement, de cette idée d'un féminisme très ouvert, y compris, justement, au mouvement lesbien au tout début, puisque vous parlez, dans l'histoire ou dans l'écriture de l'histoire du féminisme, vous parlez d'un mensonge féministe à ce propos. Oui, alors, parce qu'en fait, disons que ce qui a été écrit sur l'histoire du MLF, l'idée dominante consiste à dire justement que le mouvement de libération des femmes a libéré l'homosexualité, que l'homosexualité féminine a été libérée par et dans le féminisme. Moi, je critique cette lecture radicalement, parce que c'est une vision en fait qui, disons que cette libération dont on parlait beaucoup à l'époque, hein, dont les féministes parlaient à l'époque du désir homosexuel dans le mouvement de libération des femmes, en fait a redéfini l'homosexualité d'une façon très particulière. Il s'agissait de dire que finalement l'homosexualité était libérée dans le mouvement des femmes parce que toutes les femmes étaient potentiellement homosexuelles, et donc c'était une homosexualité dans laquelle toutes les femmes pouvaient potentiellement se reconnaître. Et le problème de cette redéfinition de l'homosexualité, non comme une différence ou une identité politique, sociale, culturelle, avec une histoire particulière, c'est justement d'avoir invisibilisé le rapport de pouvoir entre hétérosexualité et lesbianisme. Puisque si on dit que toutes les femmes sont potentiellement homosexuelles et que c'est à ce titre-là que l'homosexualité a été libérée dans le mouvement des femmes, eh bien en fait, on perd de vue la question du rapport de pouvoir entre les femmes hétérosexuelles et les femmes lesbiennes. Alors votre thèse est écrite en anglais pour l'instant, mais vous avez publié déjà plusieurs articles, et un article en particulier dans la revue Le Temps des médias sur la presse lesbienne. Et vous expliquez bien que, justement, quand on le lit à l'aune de votre travail de thèse, eh bien que les questions qui sont posées dans la presse donc féministe en particulier, au tout départ, bien certaines lesbiennes disent « Mais attendez, vous vous interrogez sur l'avortement, sur la contraception, sur les crèches, sur les enfants. » Ce sont des questions qui, a priori, dans ces années-là, ne nous importent pas, ne nous intéressent pas. Et que de là va naître l'idée de faire une presse séparée. Vous dites « La presse lesbienne fait le mouvement lesbien », dites-vous, Ilana Eloi. Voilà, absolument. Donc, encore une fois, contrairement à l'idée selon laquelle le féminisme aurait complètement intégré la question homosexuelle, on se rend compte que, surtout dans le courrier des lectrices, je me suis beaucoup intéressée au courrier des lectrices. Il faut toujours s'intéresser au courrier des lecteurs dans les journaux, oui. Parce que justement, c'est une façon souvent pour les rédacteurs en chef de dire des choses qu'ils ne veulent pas dire sous leur propre égide, d'une certaine façon, mais de publier tout de même des choses en contrebande par l'intermédiaire justement de ce courrier des lecteurs ou des lectrices. Exactement. Et donc, on trouve un discours critique sur le féminisme dans le courrier des lectrices, et donc avec des militantes lesbiennes donc qui ont encore une fois un discours qui tranche encore une fois sur tout ce qui a pu être écrit. Et donc voilà, donc oui, donc je montre comment la presse lesbienne en fait va développer des problématiques, aborder des problématiques en fait politiques propres aux lesbiennes qui n'étaient pas abordées dans le mouvement de libération des femmes. Donc par exemple la question des interdictions professionnelles, la question de la garde des enfants dans le cas où une femme quitte son mari parce qu'elle tombe amoureuse d'une autre femme, et donc la justice, dans ces cas-là, retirait immédiatement la garde des enfants, la question de la psychiatrisation de l'homosexualité, etc. Des violences contre les lesbiennes, etc. Voilà, etc. De l'insémination artificielle, qu'on retrouve déjà à cette époque. Et donc voilà, c'est autour de toute cette presse que se construit un sujet lesbien. Alors, on a commencé à parler avec vous de la figure de Monique Wittig. Vous avez lancé des pistes, justement, pour nous la présenter, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre, et c'est ce que vous faites dans votre travail de thèse, Lesbian Trouble, Ilana Eloi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi justement se passe cet exil de 76 et surtout cette rupture de 1980 où dans Questions féministes il y a cet article en particulier La pensée straight qui va provoquer la fin de cette expérience Questions féministes ouverte, supposément ouverte à toutes les militantes féministes, et la naissance d'un nouveau journal, une revue qui s'appelle Nouvelle Question Féministe, et aux États-Unis d'une revue, donc à partir de 1980 à Berkeley, qui s'intitule Feminist Issues, qui est donc justement liée à la figure de Monique Wittig. Oui, voilà, donc Monique Wittig part aux États-Unis en 1976, elle quitte la France et elle explique très clairement dans des lettres privées qu'elle est partie parce que elle trouvait plus sa place dans le mouvement féministe en France, qu'elle n'arrivait pas à développer une pensée lesbienne, elle n'arrivait pas à politiser le lesbianisme comme elle l'aurait souhaité. Les féministes s'opposaient systématiquement à elle. Elle a essayé notamment de créer un groupe de lesbiennes en 1974 qui s'appelle le Front Lesbien International. Les féministes françaises l'ont à ce moment-là accusé de vouloir fomenter une scission dans le mouvement féministe. Et donc, c'est avec beaucoup d'amertume en fait qu'elle quitte la France et qu'elle s'installe aux États-Unis. Et je pense qu'elle a trouvé aux États-Unis un contexte beaucoup plus propice en fait au développement de ces idées politiques. Pourquoi justement ce contexte était-il plus propice? Eh bien, je pense que c'est parce que justement il n'y avait pas cette question de la nation et de l'universalisme. Pourtant, il y a une volonté aussi universelle de la démocratie américaine à se répandre à travers le monde, mais pas sous les mêmes modes que la France. Oui, je pense qu'aux États-Unis, la question des différences se pose de manière moins problématique qu'en France. Aux États-Unis, parce qu'on n'est pas justement, il n'y a pas ce poids de l'universalisme qui voudrait que toutes les femmes, donc dans le cas du féminisme, soient les mêmes et subissent une même oppression qui est donc exclusivement l'oppression patriarcale. En fait, Monique Wittig, ce qu'elle a essayé de faire, c'est justement de dire, attention, les femmes ne sont pas uniquement opprimées en tant que femmes par le patriarcat, il y a des différences entre les femmes. Il y a des femmes lesbiennes qui sont opprimées en tant que lesbiennes et cette oppression est le fait d'une domination qui s'appelle le régime hétérosexuel. Et donc c'est la question de complexifier en fait à la fois la domination et la composition interne en fait du sujet femme du féminisme. Voilà. Et donc c'est le cœur de votre travail de thèse, en l'occurrence Ilana Eloi, et qu'on pourra lire dans quelques temps parce qu'elle a été écrite en anglais. Elle sera publiée d'abord en anglais, j'imagine. Sûrement. Et ensuite traduite en français pour pouvoir. C'est une sorte de pavé dans la mare, vous le voulez comme tel. En tout cas, c'est une façon de remettre au cœur des questions de l'histoire du féminisme cette question du mouvement lesbien. Absolument, c'était aussi pour moi une manière peut-être de... Disons que... Moi, je pense que c'est important de désidéaliser les mouvements irrévolutionnaires, je pense, puisque c'est en les critiquant... C'est la légende, quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende, comme on disait dans le film L'homme qui tue à Liberty Valence, donc là, voilà, c'est ce qu'on a écrit, la légende était belle. Et voilà, et moi je pense que c'est important d'avoir vraiment un point de vue critique qui interroge les catégories politiques, donc c'est-à-dire pas seulement écrire une histoire des femmes, des féministes, des lesbiennes, mais de s'interroger sur qu'est-ce qu'on entendait par ces catégories politiques, qu'est-ce qu'on entendait par femmes, en fait. Qui étaient les femmes qui étaient vraiment représentées dans ce sujet du féminisme? Donc vraiment, pour moi, c'est important de faire une histoire vraiment critique des termes dans lesquels le féminisme s'est construit. Eh bien, merci. Ça s'appelle Lesbian Trouble et c'est donc une thèse soutenue tout récemment. C'était en octobre. Tout à fait. À la London School of Economics. Merci à vous, Ilana Eloi. Merci à Camille Fauroux et merci à vous, Salian Silla, d'être venus, donc tous les trois, dans cette émission d'aujourd'hui. Demain, nous continuerons notre série d'émissions avec la jeune recherche et nous nous intéresserons plutôt à des histoires urbaines, que ce soit la Venise du XVIIIe siècle ou la France et le Paris de la Révolution française et du XIXe siècle. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet, mais également pour cette série par Marion Dupont, qu'on remercie. Audrey Guélil était avec nous à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Le site internet, c'est bien sûr franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, à demain.